le ministère de la vertu. À peine de retour à Paris et au sortir du cabinet du marquis de La Mole, qui parut fort déconcerté des dépêches qu'on lui présentait, notre héros courut chez le comte Altamira. La haute naissance du comte convenait tout à fait à madame de Fervaques, qui le voyait beaucoup. Julien lui avoua gravement qu'il en était fort amoureux. « C'est la vertu la plus pure et la plus haute, » répondit Altamira, seulement un peu jésuitique et emphatique. « Cette connaissance fera prononcer votre nom. Elle vous donnera du poids dans le monde. Mais allez chez Bustos, » dit le comte Altamira, qui était un esprit d'ordre. Il a fait la cour à madame la maréchale. Don Diego Bustos se fit longtemps expliquer l'affaire sans rien dire. Il avait une grosse figure de moine, avec des moustaches noires et une gravité sans pareille. « Je comprends, » dit-il enfin à Julien. « La maréchale de Fervaques a-t-elle eu des amants? N'en a-t-elle pas eu? C'est vous dire que, pour ma part, j'ai échoué. « Altamira m'apprend que vous êtes des nôtres, » lui dit Don Diego, toujours plus grave. « Un jour, vous nous aiderez à reconquérir notre liberté. Ainsi veux-je vous aider dans ce petit amusement. Il est bon que vous connaissiez le style de la maréchale. Voici 4 lettres de sa main. » Cette scène égaya un peu notre héros. Il fut sur le point de sourire. Quand il rentra, l'heure du dîner approchait. Il allait donc revoir Mathilde. « Maintenant, » pensa-t-il, « il s'agit des regards. » Il eut l'idée de descendre au salon. À la vue du canapé bleu, il fut ému jusqu'aux larmes. Bientôt ses joues devinrent brûlantes. Il prit un journal pour avoir une contenance. Après avoir erré longtemps du salon au jardin, Julien se trouva horriblement fatigué. Ce fut un premier succès qu'il sentit vivement. « Mes regards seront éteints et ne me trahiront pas. » Peu à peu, les convives arrivèrent au salon. Jamais la porte ne s'ouvrit sans jeter un trouble mortel dans le cœur de Julien. On se mit à table. Enfin, parut mademoiselle de La Mole, toujours fidèle à son habitude de se faire attendre. Elle rougit beaucoup en voyant Julien. D'après la recommandation du prince Korasov, Julien regarda ses mains. Elles tremblaient. Il fut assez heureux pour ne paraître que fatigué. Monsieur de La Mole fit son éloge. La marquise lui adressa la parole un instant après et lui fit compliment sur son air de fatigue. Julien se disait à chaque instant « Je ne dois pas trop regarder mademoiselle de La Mole, mais mes regards non plus ne doivent point la fuir. » Sa politesse fut récompensée. Sur les 8 heures, on annonça « Madame la maréchale de Fervaques ». Julien s'échappa et reparut bientôt, vêtu avec le plus grand soin. Madame de La Mole lui sut un gré infini de cette marque de respect et voulut lui témoigner sa satisfaction en parlant de son voyage à madame de Fervaques. Julien s'établit auprès de la maréchale. La maréchale annonça qu'elle allait à l'opéra bouffe. Julien y courut. Il trouva le chevalier de Beauvoisis qui l'emmena dans une loge de messieurs les gentilshommes. Julien la regarda constamment et parvint ainsi, chose admirable, à ne presque pas penser à mademoiselle de La Mole. Mathilde l'avait presque oublié pendant son voyage. Il faut revenir de bonne foi aux idées vulgaires de sagesse et d'honneur. Une femme a tout à perdre en les oubliant. Elle se montra disposée à permettre enfin la conclusion de l'arrangement avec le marquis de Croisenois, préparé depuis si longtemps. Il était fou de joie. Toutes les idées de mademoiselle de La Mole changèrent en voyant Julien. « Au vrai, c'est là mon mari, » se dit-elle. « Si je reviens de bonne foi aux idées de sagesse, c'est évidemment lui que je dois épouser. » « Il vaut mieux avoir tout de suite cette explication, » pensa mademoiselle de La Mole. Elle alla seule au jardin, Julien n'y parut pas. Mathilde vint se promener près des portes-fenêtres du salon. Elle le vit fort occupé à décrire à madame de Fervaques les vieux châteaux en ruine qui couronnent les coteaux. Le prince Korasov eût été bien fier s'il se fût trouvé à Paris. Cette soirée était exactement ce qu'il avait prédit. Une intrigue parmi les membres du gouvernement occulte allait disposer de quelques cordons bleus. Madame la maréchale de Fervaques exigeait que son grand-oncle fût chevalier de l'ordre. Julien pouvait espérer un évêché si M. de La Mole arrivait au ministère. Mais à ses yeux, tous ses grands intérêts s'étaient comme recouverts d'un voile. L'effort qu'il s'imposait pour paraître guéri aux yeux de Mathilde absorbait toutes les forces de son âme. Il restait auprès de la maréchale comme un être à peine animé. Ses yeux même, ainsi que dans l'extrême souffrance physique, avaient perdu tout leur feu. Comme la manière de voir de Madame de La Mole n'était jamais qu'une contre-épreuve des opinions de ce mari qui pouvait la faire duchesse, depuis quelques jours, elle portait au nu le mérite de Julien.